À la jeunesse sous pression. Sans système tonne, que le système tombe. Salut tout le monde, vous écoutez Sous Pression, une émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir de souspressionpunk.com, mais aussi à la radio si vous êtes old school et vous écoutez à la radio terrestre CHU 89,1 FM à Ottawa et le CVR 103,5 FM à Ottawa. Comme d'habitude, je m'appelle Mathieu, je vais jouer du Punk Sky Hardcore tout en français là. J'ai une bonne émission de plein pour vous cette semaine, comme à toutes les semaines. Je sais que je dis ça à toutes les semaines. C'est peut-être plus vrai quelques semaines que plus que d'autres, mais je fais ce que je peux. On va se lancer tout de suite dans la musique. On va commencer avec du Zone Infini de leur plus récent album Rester et Fuir. Je vais faire jouer le morceau La Tempête Arrive. Alors voici du Zone Infini à Sous Pression. Sentir ton souffle, tout contre le mien. Je voulais sentir ton odeur, respirer ton parfum. Sentir ton odeur, respirer ton parfum. boîte dans le rock, c'est la santé. Ce soir par des concerts, ils mettent leurs espadrilles. Ils vont prendre l'air pour le tape pour la ligue. C'est un peu marathon, une séance de bronzage. Ils veulent garder la forme, la forme de leur visage. Ils sont professionnels, c'est fini les excès. Ils montent sur la scène, je me porte sur le ring. Pour donner un spectacle qui bouge et qui balance. Il faut être sérieux, croyez en leur expérience. Salut, dans le dernier bloc, on a écouté du Zone est fini de leur album Rester et fuir. Le morceau La tempête arrive, après ça, du Moonsa de leur démo, c'était le morceau Le parfum. Brutal Chéri, après ça, avec le morceau Malédiction tiré de leur plus récent album Antisocial et Brutal. Du Brixton Cats avec Pour les Braves. Crooked Bangs avec le beau tétard sur son cigare. Crooked Bangs, un groupe du Texas aux États-Unis qui chante en français. Je sais pas si le groupe existe toujours. Il avait fait un split avec un autre groupe dont le nom m'échappe là, en ce moment. Mais en tout cas, c'est le bon album. Leur album éponyme, beaucoup de chansons en français. C'est pas tous les jours qu'il y a des groupes du Texas qui chantent en français. Alors, pourquoi pas faire jouer ça? Puis c'est de la bonne musique à part de ça, alors. Et on a terminé le bloc avec les secrétaires volantes de leur album Meconium. On a écouté le morceau Le Rock, c'est la santé. On va continuer avec du traître de leur EP éponyme. Je pense que c'est sorti en 2014. Le morceau UMD. Voici Traître sous pression. le décor. Les zones sinistrées hurlent l'indifférence, les couronnes incertaines. Dans le château du vice sont morts les messères, en reniflant leur miasse aux ordres surannés. À l'ombre claustrophobe, on brûle les esclaves qui venaient s'enterrer dans ces repas de fête. On inocule aux pauvres la semence de la bête, pendant que les héros éjaculent leur bave. Les orgies de sévices qu'avant les bons notables de géopolitique, tandis que les manants aux journées mécaniques plongent la gueule ouverte dans le grand artifice, jusqu'au sursaut enfin des révolutionnaires. Dans le désordre de leur observatoire, parfois la répression en guise de victoire. Ils offrent l'anarchie à la planète entière. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter dans le dernier bloc du traître de leur EP éponyme, le morceau UMD, du dur cœur aussi de leur EP éponyme, le morceau Ville froide, et ensuite du pour X raison de leur plus récent album X Figure 2, le morceau c'était Mouvement. Alors, on est rendu à mi-chemin de l'émission, c'est la tradition à chaque semaine qu'à ce point-ci, je vous rappelle que si vous écoutez à la radio, que vous devriez aller checker souspressionpunk.com. Site web de l'émission, vous pouvez écouter l'émission à partir du site web, la télécharger et aussi voir les chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors, si vous êtes sur Facebook, allez cliquer j'aime. Et si vous voulez envoyer un message courriel, c'est le. je m'en rappelle plus, là. C'est pas toujours que je m'envoie des courriels. C'est le info@commercialsouspressionpunk.com. info@commercialsouspressionpunk.com. Alors. Commentaires, partager de la musique, n'importe quoi. Là, s'il y a un problème avec le site web, vous pouvez m'envoyer un message. Alors c'est ça, on va continuer maintenant avec le bloc sono mondial, le moment de l'émission où à chaque semaine on fait un peu, on explore le punk multilinguistique, le punk international à l'extérieur des mondes francophones et aussi anglophones. Cette semaine, on s'en va au Brésil, faire jouer deux morceaux par le groupe Racta. C'est un groupe de post-punk. Je vais jouer deux morceaux dans leur EP Oculto Pelus Ceris. Ils ont sorti leur EP, je pense que c'est sur le label La Vida es un Moose. La Vida es un Moose font ils ont vraiment des bons groupes et des bons albums qui sortent sur ce label-là. Alors si vous avez la chance d'aller voir et de faire une petite écoute sur leur site web Bandcamp, allez-y fort, ça vaut la peine. Je vais faire jouer deux morceaux de leur EP, le morceau, et là, désolé, là, mon portugais est pas trop fort. Rogeadas pela Belis et Atrachivos da Mentira. Je vais jouer ces deux morceaux-là du groupe Racta. C'est vraiment bon, solide, post-punk. Vous allez aimer ça. Alors voici du Racta à sous pression. We'll be right back. C'était Racta avec Hojaada, Sepela Belize et Atrachivos da Mentira. On continue avec du nouveau de ces gens-là de leur hippie troisième acte, le morceau Du Pouvoir. We'll be right back. quel programme, dans quel désir se trouve-t-il? On nous dira que jamais il nous attendra, mais dans chacun de nos corps il est déjà là. Même plus besoin de nous enfermer, okay, nous voilà tous des animaux prévisibles, à jamais marqués au fer rouge par des milliards de machines. Quelles chaînes nous ont rendu inoffensifs? Merci au contrôle complet, car je n'ai plus besoin de réponses répressives. Merci au contrôle complet, n'ai plus besoin de nous enfermer, okay, nous sommes tous des terroristes potentiels, à jamais marqués au fer rouge par des milliards de machines. Dans chaque nation, chaque contrôle d'identité, dès la naissance il attend rien pour t'étrangler. Dans chaque famille il avance à peine masqué, dès ton enfance il attend rien pour te dévorer. Dans quel isolement, dans quelle dépendance, dans quelle science et dans quelle loi se trouve-t-il? Dans quel commerce, c'est dans quel trafic, sur quel territoire a-t-il la mainmise? On nous dira qu'il est à l'extérieur, le voilà en fait partout chez lui. On nous dira qu'il s'est endormi dans un sommeil lointain. Dans chaque règne, chaque contrôle d'identité, dès la naissance il n'attend rien pour t'étrangler. Il ne nous atteindra pas, qu'à plus jamais il ne reviendra, qu'il ne passera pas, mais il est déjà là. Comme la rage au volant, à toute vitesse, à sens inverse, frapper le mur de ma Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, mais notre temps ensemble tire malheureusement à sa fin. Mais avant de vous quitter, je vais faire un retour sur les chansons qu'on écoutait dans le dernier bloc. On a commencé avec ces gens-là, de leur nouvelle EP, 3e acte, c'était le morceau Du Pouvoir, du Capable après ça avec Société Problème, tiré de leur EP du même titre, Monoxyde avec Rien, du Justine, de leur plus récent album, l'album s'appelle 06 72 43 58 15, et oui, c'est un numéro de téléphone, alors si vous voulez, vous pouvez l'appeler, je sais pas ce que ça donne, mais c'était quelque chose d'intéressant. En tout cas, on a écouté le morceau Micropolitique du fascisme, du French Frogs après ça, de leur EP Advienne que pourra, c'était le morceau Moral d'un pendu. Gerbia après ça avec Electora, tiré de leur album Lâche l'école, qui est sorti en 2014, je crois. Et on vient terminer avec Les Parias de leur album Foutu Merdier, c'était le morceau L'Effronté. Alors, je vais vous laisser avec un dernier morceau, là. Je vais vous laisser avec du Pogo Car Crash Control, le morceau Crève de leur EP éponyme sorti peut-être plutôt cette année ou la fin de l'année passée. Mais peu importe, bon morceau, je vais vous laisser avec ça. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Ta gueule et crève, ta gueule et crève, ta gueule et crève, ta gueule et crève.